Faire de l'argent, essayer de toujours rester. Tu sais, dans cette lumière éblouissante, sous les feux des projecteurs, dans la boîte, et dans tous ces autres trucs qu'on fait, on essaie de se cacher. On essaie, c'est tout. Mais c'est la vie. Tu comprends, je veux dire, dans cette façon de vivre, dans ce bise, y a pas de sentiment, pas d'amour, on n'a rien en retour. Non, pas d'amour, on n'a rien en retour. Les chapeaux de roue, mes salauds souffrent, veulent le salaire à gogo. J'en place une pour mes gars au trou. Sur moi ça parle beaucoup, mais c'est que la publicité que me font ces sales grosses poufs. C'est trop vénéneux mon vieux, y'aura pas de cesser le feu. C'est trop ténébreux, mais ne vont crever tes pneus. Y'a ma voix dans ta turvoie, je baisse ta. Tu me vois, ne pleure pas, je suis un lyrical cœur bras. J'ai de la bonne cam à des prix abordables. Là où le diable danse comme Travolta. Aujourd'hui le paradis, ce sera l'enfer demain. Bois un verre de vin ou j'entre une paire de seins. C'est normal pour les morphales, j'ai un trésor rap comme Method Man ou Razor Sharp. Je déconne pas, je suis raisonnable. 2007, mec, les carabines sont chargées, les tirs sont cadrés et les filles sont charmées. J'ai ma vodka, j'ai ma vodka, j'ai ma vodka à des prix abordables. J'ai ma vodka, j'ai ma vodka, j'ai ma vodka à des prix abordables. J'ai ma vodka, j'ai ma vodka, j'ai ma vodka à des prix abordables. Je marche qu'avec des gars loyaux. Ouais, je garde, j'garde la pêche, j'avale pas le noyau. Une pensée à ceux qui communiquent par yo-yo à la Mavo. Quand je mange des bavettes à l'Oyo, y'a que des warriors dans le royaume et des Romario. Des aérois qui cachent des joyaux dans leur boyau. Le MC de l'année, c'est moi, yo. Un gros 9-5 sur le maillot. Sarko la chatte à ma manayo. Pas de place pour les moineaux. On pense qu'à se vider le poireau. Attisé comme des poivrons. Brûler la 15 en gaillardo, en Modena. Le coffre rempli de coke de Ben Almadena. Pas les noix du papagayo, sale travelo. Je marche sur les traces de Clyde Barrow. Ne pas béton à cause d'un petit con de bolos. Car j'tar c'est pas pour moi comme Lincoln Burroughs. J'ai ma vodka, j'ai ma vodka. J'ai ma vodka à des prix abordables. J'ai ma vodka, j'ai ma vodka. J'ai ma vodka à des prix abordables. J'ai ma vodka, j'ai ma vodka. J'ai ma vodka à des prix abordables. J'ai ma vodka, j'ai ma vodka. Température pôle nord comme le cœur d'une pute. À Dakar nous on sait comment corrompre les flics. Distribue ma poudre sans remords ni regret. J'ai une lame sous la gorge et je n'ai pas flanché. J'ai la passion du Christ parti du néant. Assez d'hormones comme le corps d'un géant. Des petites pointures par la torre et travers. Je les ai mis au monde, maintenant ils veulent tuer leur père. La famille avant la France, coup de boule de Zizou. Humilie l'Italie, nique Berlusconi. Plein négro pense que je vais pas mourir vieux. J'ai prié le Seigneur, négro demain sera mieux. On peut sourire à tout le monde, mais confiance à personne. La famille toujours la même, Holocauste Roscoe. Négro savent que je raille, Alfa Romeo. Négro vole ma peau, Mitra et Scorpion. J'ai ma vodka, j'ai ma vodka. J'ai ma vodka à des prix abordables. J'ai ma vodka, j'ai ma vodka. J'ai ma vodka à des prix abordables. J'ai ma vodka, j'ai ma vodka. J'ai ma vodka à des prix abordables. J'ai ma vodka, j'ai ma vodka. Là où j'habite, j'ai ma vodka. Le gain dans la main, j'ai le respect total. Le droit de vie, de mort, le reste c'est que dalle. Malgré tout, que je puisse mourir demain reste probable. Chacun s'arme comme moi, la peste se propage. Et yo, du matin au soir, je lustre mon arme. Je risque mon âme, je sais que la ruse tout le monde l'a. Guette le moindre mouvement. Parano, il a fait assez de boucan. Il parano fait plus de bruit que le noucan. Part dans le sud, braqué des commerces de riches. Je reviens en commerce. J'ai mots qui changent de dimension, flic, je suis bien un camère. Le gun dans la main, je ressemble à Vegeta. Le métal me brûle, on forme une unité de feu de chitane. J'ai ma vodka, j'ai ma vodka. J'ai ma vodka à des prix abordables. J'ai ma vodka, j'ai ma vodka. J'ai ma vodka à des prix abordables. J'ai ma vodka, j'ai ma vodka. J'ai ma vodka à des prix abordables. J'ai ma vodka, j'ai ma vodka. Va où le diable, ton stock à mon âme. Néocrone à la bonne cam, à des prix abordables.